Bonjour et bienvenue dans la 9e séquence du cours sur l'économie du document. Cette séquence est entièrement consacrée à un travail pratique que vous allez réaliser à la fois individuellement et collectivement. Il s'agit d'appliquer la méthode vue dans la séquence précédente sur le cas du journal présenté lui aussi dans la même séquence. Pour cela, je vous ai préparé des fichiers avec des tableaux à remplir et il vous faudra vous organiser entre vous pour que les rubriques soient remplies de la façon la plus pertinente. Cette séquence constitue en quelque sorte l'application pratique des connaissances présentées dans la première partie du cours. Il s'agit de vous montrer que ces éléments ont des conséquences très pratiques, y compris sur votre futur métier, dans les choix à faire, par exemple ici sur ce cas, pour un centre de documentation. Une mauvaise analyse basée sur une méconnaissance du domaine conduit à des choix non pertinents et donc un risque sérieux pour l'avenir de la structure. Il est donc important de réaliser une bonne analyse, donc bonne réflexion, bonne discussion entre vous et nous reverrons tout ça dans une semaine.